إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue donc la quatrième partie, ou le quatrième cours de l'explication de Qurrat Uyun al-Muwahidin. C'est un livre qui explique Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Qurrat Uyun al-Muwahidin, écrit par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc on est arrivé à l'endroit où le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan dit وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْلَامِ شَرْطٌ لِسِحَّةِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ وَهُوَ مُقْتَضَى الشَّهَادَتَيْنِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وشهادة أن محمدا رسول الله فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله وإخلاص العبادة لله وحده والإيمان بالرسول وطاعته Donc on va expliquer ce passage. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique que les ulama, tous les fuqaha de l'islam sont tous d'accord sur le fait que l'islam est une condition pour la validité de la salat et pour la validité de toutes les autres œuvres qu'on peut faire dans l'islam. Et l'implication, donc c'est ça l'implication même du témoignage, ou des deux témoignages, on dit ash-shahadatan en arabe, les deux témoignages, c'est-à-dire de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et de témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et la signification du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien ça implique et ça signifie de nier le shirk, de nier le shirk et de se désavouer du shirk et de se désavouer de ceux qui le pratiquent. Et le fait de purifier notre adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah seul et d'avoir la foi en les messagers et d'obéir également aux messagers. Donc ça c'est ce que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a mentionné à la suite de dans son explication. Et donc on va lire maintenant quelques commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan au sujet de certains de ces points-là. Il explique premièrement que, à propos du fait que le témoignage, les deux témoignages, leur implication, il explique لِأَنَّ مُقْتَضَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِخْلَاصُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُقْتَضَى شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مُتَابَعَتُهُ وَالْعَمَلُ بِشَرْعِهِ وَتَرْكُ الْبِدْعِ وَالْمُحْدَثَاتِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تنفي الشرك ومحمد رسول الله تنفي الابتداع في الدين. Donc le cheikh il explique que l'implication du témoignage de la ilaha illallah, eh bien c'est que il faut purifier notre adoration pour Allah seul et l'implication de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça implique le fait que nous devons le suivre et يعني suivre sa charia, suivre qu'est-ce qu'il a ramené comme législation et comme révélation, et également le fait que nous devions abandonner les innovations dans la religion ainsi que les choses inventées. Hein? Et il dit donc que la ilaha illallah vient nier le shirk, et Muhammadun Rasulullah vient nier al-ibtida' fid-din, vient nier le fait de ramener des innovations dans la religion. Ensuite, il explique le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit: "Wa la yakfi nafyu shirki hatta tatabarra minhu wa min ahlihi fala tuhibbuhum wa la tunasirhum wa la tuwalihim wa nafyu shirk wa nafyu shirk يعني ولا تواليهم لأنهم أعداء الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا العدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Donc le cheikh il explique, il dit, il n'est pas suffisant de renier le shirk seulement, hein? Il faut également se désavouer du shirk et se désavouer de ceux qui pratiquent le shirk, et cela implique que nous ne devons pas les aimer, hein, pour leur shirk, hein, parce qu'ils sont dans le shirk, nous ne devons pas les aimer pour ça, et nous devons ne pas venir à leur secours et ne pas venir les aider dans leur shirk, hein, et ne pas les prendre pour alliés dans le shirk et dans le kufr, parce qu'ils sont les ennemis d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 1 dans surat al-Mumtahana: ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés, hein? Comme alliés, c'est-à-dire comme quelqu'un que vous aimez, que vous défendez et que vous supportez dans sa mécréance et dans son shirk, et ainsi de suite, en leur offrant l'amitié et l'affection, alors qu'ils ont mécru en ce qui a été ramené de la vérité, ce qui vous est venu de la vérité. Et en ce qui concerne le point de l'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il explique et il dit que la foi en le messager, il dit: Al-Imanu bi annahu Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, wa hadha yaqtadi ta'atahu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa tarku ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bad Allah illa bima shara. Wa hadha huwa ma'na shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. فهي ليست مجرد لفظ يقال باللسان بل لا بد من أن تشتمل على هذه المعاني العظيمة حتى تكون شهادة صحيحة. Donc le cheikh il explique que la foi en le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, et cela implique de lui obéir dans ce qu'il ordonne, de croire en ce qu'il donne comme information au sujet de la religion, et d'abandonner ce qu'il a interdit ou ce qu'il a réprimandé, et de ne pas adorer Allah, hein, ou bien plutôt de n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré comme religion. Donc de ne pas faire des innovations, c'est ce que ça signifie. Et il dit, et c'est cela que signifie le témoignage de Muhammad Rasulullah. Donc ce n'est pas uniquement une parole qu'on prononce avec la langue, et elle comprend donc toutes ces différentes significations-là. Hein? C'est ça la signification de Muhammad Rasulullah. Donc c'est pas juste une parole qu'on dit avec la langue, je crois en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis après on ne met pas en application, hein, ce que ça implique. Donc il faut que notre témoignage comprenne toutes ces différentes significations-là pour que ce soit un témoignage véridique et un témoignage réel. Après, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique le troisième verset dans le chapitre qu'on est en train de lire dans Kitab al-Tawhid. Il dit: wa huwa ma'na al-aya al-thalitha wa hiya qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Yani ay amara wa wassa, yani qada bima'na amara wa wassa. Fa qawluhu an la ta'budu fihi ma'na la ilaha. وقوله إلا إياه ففيه معنى إلا الله وهذا هو معنى كلمة الإخلاص. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, et c'est ça la signification du troisième verset qui est mentionné dans ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. c'est-à-dire le verset 23 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui, ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui, que vous n'adoriez que lui. C'est-à-dire qu'il a ordonné et il a enjoint sa création à n'adorer que lui. La ta'budu, yani, quand il dit la ta'budu, ça c'est la signification de la ilaha, la négation dans le témoignage. Quand on dit la ilaha illallah, la première partie c'est la ilaha. La ilaha, c'est la négation de tout ce qui peut être adoré. Et يعني قوله إلا الله إلا إياه, ça c'est la signification de إلا الله. إلا إياه, ça c'est excepté lui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. Et donc ça c'est la deuxième partie. C'est pour dire que dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset en question, il y a la même que dans le témoignage de la ilaha illallah. وقد ربك ألا تعبدوا, ça c'est la ilaha. Illa iyyahu, ça c'est illallah. Donc le témoignage de Mohammed, le témoignage de la ilaha illallah, il se retrouve dans ce verset-là aussi, mais exprimé d'une autre façon, mais c'est la même signification. Et il dit wa huwa ma'na kalimatu al-ikhlas, c'est la signification de la parole de pureté et de sincérité qui est le témoignage de la foi. Et le cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce verset-là. إذي بمعنى أن التوحيد هو معنى الآية الثالثة وقد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الباب وقضى ربك وقضى أي أمر ووصى وليس معناها حكم وقدر كما يقوله أهل الضلال لأن الله عز وجل لو قضى وقدر أن لا يعبد إلا إياه ما أشرك أحد من الخلق لأنه لا يمكن لأحد أن يخالف قضاء الله وقدره قضاء الله وقدره فأما الأمر فمن الناس من يفعل ويمتثل ومنهم من يخالف وكذلك التوحيد. و donc on va traduire ça en premier. Le cheikh il explique que waqada, ça veut dire et il a ordonné et il a enjoint à sa création d'adorer que lui. Et la signification du terme waqada, qada en arabe, des fois il peut être traduit de plusieurs façons et avoir plusieurs significations. Et c'est ce que vous allez voir tout de suite après. Mais là maintenant le cheikh explique que dans ce contexte-là, dans ce verset-là, il a le sens de ordonner et d'enjoindre. Et ça ne signifie pas, contrairement à ce que certains égarés prétendent, le fait de juger et de décréter ou de prédestiner. Ça ne signifie pas ça. Pourquoi? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété et prédestiné que rien ne doit être adoré excepté lui, eh bien il n'y aurait pas eu de shirk sur terre. Il n'y aurait eu que du tawhid. Donc ça ne peut pas être dans ce sens-là. Ça ne peut pas être dans le sens qu'il a décrété ou qu'il a prédestiné. Plutôt, c'est dans le sens qu'il a ordonné. Et parmi les hommes, il y en a qui mettent en application le commandement et qui le pratiquent, et il y en a d'autres parmi les hommes qui le contredisent, par rapport au tawhid. Et il dit wa ma'na qada wa qada rabbuka ay amara, yani amara amran shar'iyyan wa wassa, yani subhanahu wa ta'ala an la yu'bad illa iyyahu. Wa al qada fi al lugha yutlaq ala 'iddati ma'an wa minha al amr كما في هذه الآية ومنها الخبر كما في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم وقوله تعالى وقضينا إلى إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين يعني أخبرناهم بذلك ومنها الفراغ كما في قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم وقوله فقضاهن سبع سماوات يعني فرغ من خلقهن ألا تعبدوا إلا الله أي تخلصوا العبادة لله وإذا جاءت لا وإلا فمعناها الحصر وهذا فيه حصر العبادة لله عز وجل ونفيها عما سواه وهذا هو الذي أمر الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه الآية تفسر قوله تعالى: وقضى ربك، بأن المراد بالقضاء الأمر. Donc le cheikh il explique la signification de وَقَضَى رَبُّكَ, hein, ça veut dire qu'il a ordonné, il a donné un ordre religieux, un ordre légal. Et وَصَّى, hein, il a enjoint, hein, que rien ne doit être adoré excepté lui. Et le terme, le mot en arabe, al-qada, ça peut avoir plusieurs significations dans la langue arabe. Et on peut l'utiliser dans plusieurs sens. Et parmi les sens, on a l'exemple de ce qui est mentionné dans ce verset, le sens de l'ordre et du commandement. Et il peut également venir dans le sens de l'information. Comme par exemple, le verset 4 dans Surat al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ ». Le cheikh il dit, ça veut dire nous avons informé Bani Israël, nous leur avons donné l'information. Aussi le verset 66 dans Surat al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous leur avons informé, hein, nous les avons informés que yani, ils allaient être châtiés yani, à l'aube, hein, ce peuple. Hein, allait être châtié, allait recevoir son châtiment à l'aube. Donc, ça c'est qadayna dans le sens de akhbarna. Il vient également dans le sens d'avoir terminé quelque chose, d'avoir accompli quelque chose, hein, dans le sens de terminer ou compléter, d'avoir fini quelque chose. Et des exemples de ça, c'est dans le verset 103, dans Surat al-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ, ça veut dire lorsque vous avez terminé la salat, hein, vous avez terminé la salat. Et le verset 12 dans Surat Fussilat, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé la création des sept cieux. Donc il dit فَقَضَاهُنَّ, dans le sens qu'il a terminé, il a fini de les créer. Donc, ça c'est pour le terme qada. En ce qui concerne le terme qada, on voit qu'il peut avoir plusieurs significations, sauf que dans le verset en question, c'est dans le sens de amara wa wassa. Après, il dit an la ta'budu illa iyyahu, c'est-à-dire que vous n'adoriez que lui, c'est-à-dire que vous purifiez votre adoration pour Allah seul. Et en arabe, an la ta'budu illa iyyahu, quand il y a une négation, la, et après illa, ça veut dire que ça a le sens de la restriction. La restriction, c'est-à-dire on restreint l'ordre à celui qui est mentionné dans l'exemple. Ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, que nul ne doit être adoré excepté Allah. Donc c'est dans le sens que lui seul doit être adoré. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la langue arabe al-hasru, c'est-à-dire de restreindre et de limiter. Donc ici, c'est dans le sens de limiter, de restreindre l'adoration à Allah seul et de nier l'adoration à toute autre chose ou toute autre personne en dehors d'Allah. Et ça, c'est ce que Allah a ordonné dans son livre et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit dans Surat Al-Bayyinah, le verset 5, « Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, hein, en purifiant pour lui leur religion. » Et donc ça c'est le verset qui explique justement la parole d'Allah lorsqu'il dit وَقَضَى رَبُّكَ وَمَا أُمِرُوا. Ça veut dire ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur. Ça explique le verset وَقَضَى رَبُّكَ pour montrer que c'est dans le sens de l'ordre et du commandement. Donc qada dans le sens de amara, ordonner. Et il dit ensuite le cheikh, il dit hey, ça c'est par rapport au verset an la ta'budu illa iyyahu, hein, que vous n'adoriez que lui, ay anna fiha uslubu hasrin bila wa illa mithlu la ilaha illa Allah. Donc là, quand il y a la et illa, c'est dans le sens de la restriction, de la même manière que dans le témoignage de la foi, quand on dit la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Et ça c'est dans le sens de restreindre l'adoration à Allah seul. Et donc ça a le même sens que dans le verset An la ta'budu illa iyyahu. Na'am. Après le cheikh il dit wa kalimatu al-ikhlas wa hiya la ilaha illallah summiyat bidhalika li'anna ma'naha ikhlasu al-ibadati lillahi 'azza wa jalla wa laysat mujarrad kalimatin tuqalu bil-lisan دون معرفة معناها ولا العمل بمقتضاها بل هي كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى. Donc il explique que le témoignage de la ilaha illallah, c'est dans le sens de purifier notre adoration pour Allah seul. Ce n'est pas uniquement une parole qu'on prononce avec la langue sans connaître sa signification et sans agir selon ce que cela implique. C'est une signification qui a une grande, c'est une parole qui a une grande signification et une grande implication aussi. Et il dit نعم الذي ولما سمع المشركون قول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فهموا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأوثان والأصنام والأولياء والصالحين فهموا هذا وهم مشركون لكنهم لا يريدون ذلك بل يريدون البقاء على عبادة الأصنام كما أخبر الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وكثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله لأنهم يقولونها وهم يعبدون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي وغير ذلك ويذبحون لهم وينظرون لهم ويستغيثون بهم وهذه مصيبة عظيمة عندما ينتسبون إلى شيء وهم لا يعرفونه ولا يحققونه بينما المشركون فهموا معنى لا إله إلا الله وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا يعني التي هي الأصنام لشاعر مجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يعني وصفوه بأنه شاعر مجنون ساحر معلم يعني أنه تعلم ما يقوله من أهل الكتاب أو من قصص الأولين أقوال مختلفة تدل على اضطرابهم وكذبهم. Donc le cheikh il explique un point important ici. Il explique que la parole de la ilaha illallah, comme on vient de l'expliquer, mais il dit que lorsque les mouchrikoun ont entendu la parole de la ilaha illallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invités à le prononcer et à dire, dites la ilaha illallah, dites que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et eux, ils ont répondu en disant, a-t-il fait de toutes nos divinités une divinité unique? Hein? C'est-à-dire, est-ce qu'il veut qu'on abandonne toutes nos divinités et qu'à la place on adore seulement Allah? Inna hadha la shay'un ujab. Ils ont considéré cela comme quelque chose d'étonnant. Donc ça signifie qu'ils ont compris qu'en disant la ilaha illallah, ils devaient abandonner le shirk. Ils devaient abandonner l'adoration d'autres que Allah. Et qu'ils devaient vouer à Allah un culte exclusif et abandonner les idoles, abandonner les saints, abandonner les hommes pieux, abandonner leur adoration, c'est-à-dire qu'ils devaient cesser de leur offrir des prières, de leur offrir des actes d'adoration. Ils ont compris tout ça, alors que c'était des mouchriquins. Ils ont compris ça directement en entendant la parole de la ilaha illallah. Ils ont compris ce qui était impliqué par cette parole. Ils ne voulaient pas, toutefois ils ne voulaient pas abandonner l'idolâtrie. Ils ne voulaient pas abandonner les idoles. Et ils ont préféré rester sur l'adoration de leurs idoles et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de ça dans Surat As-Saffat, le verset 35 et 36, lorsqu'ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. C'est-à-dire lorsque on leur disait, dites la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient, allons-nous abandonner et délaisser nos idoles pour un poète fou? Hein? Est-ce que c'est pour un poète fou qu'on va laisser nos idoles et cesser de les adorer? Donc ils utilisent ça pour essayer de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se détourner de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné. Et donc le cheikh il dit qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'apparentent et qui disent appartenir à l'islam et qui ne comprennent pas la signification de la ilaha illallah lorsqu'ils le prononcent. C'est pour ça que tu les vois, malgré qu'ils prononcent la ilaha illallah, et puis ils adorent Al-Hassan, ils adorent Al-Hussein, en particulier chez les Shia, Al-Rafida. Tu les vois qui disent qu'ils sont musulmans, ils prononcent le témoignage de la ilaha illallah, et pourtant ils vont faire des pèlerinages aux tombes de Ali, aux tombes de Al-Hussein, à Karbala. Ils vont leur faire des du'as et des invocations. Ils vont faire des du'as et des invocations à Fatima, hein, radiyallahu anha. Ils vont faire des du'as et des pèlerinages à la tombe d'Abd al-Qadir al-Jilani. Hein. Ils vont faire des pèlerinages à la tombe de al-Badawi en Égypte, à la ville de Tanta. Hein. Il y a des millions de musulmans qui vont à sa tombe chaque année pour faire des pèlerinages là-bas. Et égorger et sacrifier des animaux pour cet homme. Hein, alors qu'il n'était même pas un homme pieux. Hein, c'est un égaré parmi les hérétiques. Mais les gens l'ont élevé au niveau de saint. Hein, et lui ont offert de l'adoration en dehors d'Allah. Donc ils vont là-bas pour leur faire des vœux pieux, pour faire des sacrifices d'animaux, pour chercher l'aide et les appeler au secours. Lorsqu'ils ont un grand malheur, au lieu de demander à Allah, « Ya Allah, arifna, ya Rabbana, ansurna, ya Rabbana, yani urzukna », au lieu de faire ça, ils appellent « Ya Abdul Qadir, ya Rifa'i, ya Tijan, ya Ahmed Tijan, ya Badawi ». Ils appellent ces hommes-là au lieu d'appeler Allah. Hein? Ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu d'adorer Allah et de demander à Allah seul, il demande à des créatures, des êtres humains qui sont morts, enterrés, qui sont devenus des ossements et de la poussière. Hein? Comme s'ils pouvaient faire quelque chose pour eux. Alors qu'on sait que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de venir à leur secours. Et donc le cheikh il explique que ça c'est un grand malheur que ces gens-là, donc ils se disent musulmans et ils prétendent appartenir à une religion, appartenir à quelque chose et ils ne le connaissent même pas. Ils connaissent même pas cette religion et ils ne l'appliquent même pas, ils ne viennent pas, n'arrivent même pas à réaliser ce à quoi cette religion-là appelle. Alors que tu vois que les mushrikoun, les premiers à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé, ils avaient tout de suite compris la signification de la ilaha illallah et ils avaient refusé de se contredire, c'est-à-dire de prononcer cette parole en continuant d'adorer leurs idoles, parce qu'ils savaient que ça c'était une contradiction. Donc ils ont refusé de ne pas le dire et de continuer leurs idolâtries et de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas le dire. Et ils ont dit, allons-nous abandonner nos idoles, nos divinités, pour un poète fou? C'est-à-dire, eux, ils appelaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam « sha'ir », poète. Hein? Ils le traitaient de poète, ils le traitaient de fou, ils le traitaient de sorcier, ils disaient qu'il avait été enseigné, « mu'allam », c'est-à-dire qu'ils prétendaient qu'il avait appris ce qu'il disait de la part des gens du livre. Hein? Et c'est ce que les gens du livre prétendent jusqu'à aujourd'hui, que ce qu'il dit, c'est ce qu'il a entendu des gens du livre. Ou bien qu'il ramenait des histoires des anciens. Et ils sont tous en contradiction dans leurs accusations et dans leurs insultes lorsqu'ils disent ça. Parce que, tu ne peux pas dire en même temps que quelqu'un, il a appris et il comprend des choses et en même temps qu'il est fou. Ou bien qu'il est poète et qu'il est un sorcier en même temps, ou toutes ces choses-là mélangées, ça ne fait pas de sens, C'est la preuve que leur critique n'était pas sérieuse, mais qu'ils faisaient juste utiliser n'importe quelle parole qui leur sortait de la tête pour justifier leur refus de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, quand d'autres parmi les gens, lorsque certains d'entre les gens ont entendu son message et ils ont entendu ce à quoi il appelait, ils ont tout de suite reconnu que ça, c'était pas le message d'un sorcier, que ça, c'était pas le message d'un fou. Hein. Et en particulier, il y a des exemples de ça à l'époque des Sahaba, à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Certains d'entre les Sahaba ont dit on avait entendu parler d'un homme qui appelait à une religion. On voulait écouter à quoi il appelait, on voulait entendre son message. Alors on est venu. Et on l'a, oui, il dit, je suis venu à Mecca, je l'ai écouté parler, j'ai vu son visage. Il dit, j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. J'ai su que ce n'était pas le visage d'un sorcier ou de quelqu'un qui ment. Hein? Et il a cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit ensuite, وكما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وفسرها بقوله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فقوله أن لا نعبد فيه معنى لا إله وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص فسبحان الله كيف خفي هذا الموضع ونحوه على مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة. Donc le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit au Muhammad, ô vous les gens du livre, venez vers une parole commune entre nous et vous. Dans le verset 63, dans 64 dans sourate Al-Imran, et Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué la signification de cette parole commune. Qu'est-ce que c'est cette parole commune à laquelle on doit appeler les gens du livre? Il dit an la na'buda illallah, c'est-à-dire que nous n'adorions que Allah, hein, et que nous ne faisions avec lui aucun shirk, hein, que nous n'associons rien avec lui, hein, et c'est ça la signification, hein, lorsque on dit an la na'bud, hein, ça c'est la signification de la ilaha, et quand on dit illallah, et bien ça illa la ilaha, yani an la na'bud illallah. La na'bud, c'est la ilah, et illallah, c'est l'affirmation. Et c'est ce qui est, comme on dit dans la parole de la ilaha illallah, al-mustathna. Al-mustathna, c'est comment je pourrais expliquer? Al-mustathna, c'est qu'est-ce qui est exclu, hein, ou bien qu'est-ce qui est la restriction dans la parole. C'est seulement Allah qu'on doit adorer. C'est dans ce sens-là. Donc, quand on dit cette parole, c'est pour dire que rien ne doit être adoré excepté, hein, c'est ça la signification de al-mustathna, c'est l'exception. Quand on dit excepté Allah, ça veut dire que c'est seulement lui qui doit être adoré. Et donc, il dit le cheikh, subhanallah, hein, comment cette compréhension et cette signification a-t-elle pu échapper des gens, hein, de notre époque, alors qu'ils sont des gens qui ont la raison et qui comprennent et qui sont intelligents, mais ils ne sont pas capables de comprendre, alors que cette parole, elle est tellement claire que cette parole signifie que nous devions rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Comment ils n'ont pas réussi à comprendre ça? Le Cheikh Al-Fawzan, il donne des commentaires maintenant à propos de ce verset dans Surat Al-Imran, verset 64. Il explique, il dit, « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ الْمُرَادُ بِهِمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وفي وصفهم بأنهم أهل كتاب تعيير لهم أنهم أهل كتاب ومع هذا لا يعلمون لا يعملون ومع ذلك لا يعلمون لا يعملون بكتابهم. لا يعملون بكتابهم يعني تعالوا أي أقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي كلمة واحدة فاصلة للخصومة قاطعة للنزاع بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هذا هو معنى لا إله إلا الله وهذا هو الذي خلقنا من أجله. Donc le cheikh il explique que la parole d'Allah lorsqu'il dit ô Muhammad aux gens du livre, hein, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, dit aux juifs et aux chrétiens, et Allah subhanahu wa ta'ala il les appelle des gens du livre pour quelle raison? Il les appelle des gens du livre, c'est pour les blâmer du fait qu'ils ont le livre mais qu'ils ne le mettent pas en pratique et qu'ils ne mettent pas le livre en application. Et donc le cheikh il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça, ô vous les gens du livre, ô vous les juifs et les chrétiens, venez, hein, venez vers une parole commune entre vous et nous, entre nous et vous. Qu'est-ce que c'est cette parole commune? Le cheikh il dit une parole unique, une parole qui va trancher la dispute, qui va couper cette divergence entre vous et nous. Et c'est quoi cette parole? Que nous n'adorions que Allah seul et que nous n'associons, que nous ne faisions aucune association avec lui. Hein? C'est-à-dire que nous ne faisions aucune forme de shirk en associant quoi que ce soit avec lui. Voilà la signification de la ilaha illallah. Et c'est ça la parole commune. C'est ça la parole commune. La ilaha illallah. La parole commune entre nous et les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ça devrait être la ilaha illallah. Et donc, ça c'est la parole qui résume la raison pour laquelle Allah nous a créés. Il dit voilà la suite du verset wala natakhidhu wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kattikhadhihim al-masih alayhi salam ilahan ya'budunahu wa yaquluna innahu ibnullah ta'ala amma yaqulun kama ittakhadhat al-yahud ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yusharri'una lahum wa yuhalliluna wa yuharrimuna ويطيعونهم من غير دليل من كتاب أو سنة. Donc le cheikh il dit, et la suite du verset, c'est-à-dire venez vers une parole commune entre vous, entre nous et vous, que nous n'adorions que Allah et que nous ne faisions, que nous ne ferions ou que nous n'allons faire avec lui aucune forme de shirk. Ça c'est la signification de cette parole commune. Et ensuite, et que nous ne nous prendrons pas les uns les autres comme des égaux et comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et il donne l'exemple, le cheikh, en expliquant cette parole de qu'est-ce que ça signifie de nous prendre les uns les autres comme des égaux ou comme des seigneurs, hein, en dehors d'Allah. Eh bien, c'est comme le fait que eux, ils aient pris le Messie, hein, Isa, Jésus, le fils de Marie, comme une divinité en dehors d'Allah, qu'ils adorent comme une divinité. Et ils disent qu'il est le fils d'Allah, hein? Et que Allah soit purifié de ce qu'ils prétendent. Il dit également les juifs ont pris leur rabbin, hein? Leur rabbin et leur moine et leur prêtre comme les chrétiens, les juifs, ils ont pris leur rabbin, leur moine et leur prêtre comme des seigneurs et des égaux avec Allah et en dehors d'Allah. Ils les mettent comme législateurs qui légifèrent des règles religieuses pour eux, hein, et qui rendent halal et qui rendent haram des choses de leur propre initiative, sans se référer à aucune révélation. Hein. Ils rendent licite des choses et ils interdisent des choses et ils ordonnent des choses qui ne sont même pas dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les chrétiens et les juifs, en général, ils leur donnent leur obéissance aveugle et absolue dans tout ce qu'ils ordonnent, hein, sans avoir aucune preuve, ni du livre d'Allah, ni de la sunna. Donc ça veut dire que ces gens-là, yani, ils ont pris ces prêtres et ces moines et ces rabbins comme des égaux, comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est l'exemple du hadith, hein, de Adi ibn Hatib. Adi ibn Hatib, lorsque il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récitait le verset اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et Adi il a dit, hein, parce qu'il était chrétien, il avait accepté l'islam, il a dit au messager d'Allah en entendant ce verset, ô messager d'Allah, on ne les adorait pas, hein? C'est-à-dire, on ne se prosternait pas, on leur priait pas, on leur offrait pas des prières. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le messager d'Allah? Il lui a posé la question, n'est-ce pas qu'il rendait halal ce qui est haram, ou qu'il rendait haram ce qui est halal, et vous les suiviez là-dedans? Et il a répondu, il a dit, oui, c'est vrai. Il rendait halal ce qui est haram, et on leur obéissait. Et il rendait halal ce qui est haram, et on les obéissait. Alors il a dit, eh bien, voilà votre adoration pour eux. Voilà comment était votre adoration pour eux. C'est-à-dire le fait d'obéir dans le fait de rendre halal et haram. Quelqu'un, hein, qui rend halal ce qui est haram ou qui rend haram ce qui est halal sans se référer à une révélation, sans se référer à une preuve venant d'Allah, eh bien c'est comme s'il l'avait mis à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Hein, et ça rentre dans le shirk aussi. Et donc, c'est ce que les chrétiens ont fait. Et on voit que, par exemple, les chrétiens, ils ont rendu licite le porc. Les prêtres, ils ont dit, oui, vous pouvez manger du porc. Alors que le porc est interdit dans leur livre. Ils ont interdit le mariage pour les prêtres. Hein? Alors que le mariage n'a jamais été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, bien au contraire. Ils ont interdit, par exemple, la polygamie. Alors que tous les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils ont plusieurs femmes. Hein? Tout ça s'est établi. Il n'y a pas d'interdiction de la polygamie dans la Bible. Et la même chose que la circoncision qui avait été établie comme une alliance entre Ibrahim alayhi salam et Allah. Eh bien, eux, ils l'ont annulée. Ils ont dit, non, plus besoin de faire la circoncision, ça c'est pas grave. Il y en a plein d'autres choses comme ça qu'ils ont changé dans la religion. Même l'idolâtrie, hein, ils l'ont rendu halal. C'est-à-dire les idoles, et les statues, et les croix, et les images, et les icônes. Et quand tu rentres dans les églises, la première chose que tu vois, c'est ça. Des croix, des statues, des images, des idoles, et les gens qui se mettent à genoux devant ça, et qui adorent ces choses-là en dehors d'Allah. Ça, c'est le shirk, billah. Hein? Et les prêtres, ils les ont rendus licites. Et la même chose pour les rabbins, chez les rabbins juifs, qui rendent halal ce qui est haram, ou qui rendent haram ce qui est halal pour les gens. Et donc, tout ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit ensuite, na'am, donc, il dit, fa'in tawallaw, donc la suite du verset, fa'in tawallaw, wa a'radu, wa lam yastajibu, wa baqaw ala ma hum alayhi, faqulu shhadu bi anna muslimun. Hada fihi al-bara'atu minhum, wa min dinihim, وإعلان التوحيد لله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et s'ils se détournent, hein, après que vous les ayez appelés à cette parole commune de la ilaha illallah, et que eux, par la suite, ils continuent à refuser et ils se détournent d'accepter cette invitation, hein, et ils ne répondent pas à l'appel, et qu'ils veulent rester sur ce qu'ils suivent, alors dans ce cas-là, dites-leur, hein, soyez témoins que nous sommes musulmans. Soyez témoins que nous sommes soumis à Allah seul et que nous adorons Allah seul. Et ça, c'est un désaveu. C'est un désaveu de notre part pour eux, pour leur religion. Et c'est une déclaration de notre part que nous restons sur le tawhid d'Allah et que nous continuons à adorer Allah seul et à renier et à rejeter le shirk et tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en ce qui concerne le commentaire par la suite qui est mentionné par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, subhanallah, comment est-ce que cette chose, cette compréhension a pu échapper à ces gens-là alors qu'elle est claire et apparente? Et alors que ces gens-là aussi sont intelligents et ils sont capables de comprendre, comment une telle chose a pu leur échapper? Et le cheikh dit, كيف خفي هذا المعنى على الذين يعبدون القبور والأضرحة مما ينتسبون إلى الإسلام وقد يكون فيهم علماء وفقهاء ولكن هذا ناتج عن الإهمال وعدم العناية بهذا الأمر العظيم الذي هو أساس الدين وطريق النجاة. Donc le cheikh il dit, comment cette signification a-t-elle pu échapper à ceux qui adorent les tombes aujourd'hui et les tombeaux et qui se prétendent appartenir à l'islam, alors que parmi eux il y en a même parfois des gens qui ont du ilm et qui font partie des ulama et des fuqaha, ils connaissent le fiqh. Ils connaissent l'aura, la langue arabe, ils connaissent le hadith, ils connaissent beaucoup de sciences, ces gens-là. Et tu les vois comme ça. Ils sont des ulama dans ces différents domaines. Et pourtant, quand ils arrivent au tawhid, ils ne sont pas capables de comprendre. Ils ne sont pas capables de comprendre. Et il dit le résultat de ça, c'est à cause de la négligence. À cause de leur négligence et à cause du fait qu'ils n'ont pas donné d'importance à ce sujet et à cette chose importante dans l'islam qui est le fondement de la religion et le chemin du salut. Le chemin du salut. Donc, subhanallah, tu vois, un cheikh, il expliquait une fois, il disait, si tu poses des questions, par exemple, sur le tawhid à un de ces shuyukh, ils ne peuvent pas répondre. Hein? Et comme quand tu vois par exemple des petits-enfants qui étudient al-usul al-thalatha, hein? Ils connaissent mieux le tawhid que certains docteurs des grandes universités de Al-Azhar ou d'autres de ce genre. Hein? Et comme la jeune esclave à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, quand Muawiyah ibn al-Hakam, il avait frappé une de ses esclaves et il avait des remords de l'avoir frappé. Alors il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô messager d'Allah, est-ce que je dois la libérer, cette esclave, parce que je l'ai frappée? Et il a dit, hein, attends, amène-la. Il l'a amenée. Et quand elle est venue, il a dit, où est Allah? Il lui a posé la question, où est Allah? Elle a dit, Fissama, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Et quand il lui a demandé, et qui suis-je? Et elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, I'tiqha fa innaha mu'mina, c'est-à-dire libère-la, car c'est une croyante. Libère-la, car c'est une croyante. Pourquoi? Parce qu'elle a compris le tawhid. Elle a compris que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Hein? Il n'est pas dans ses idoles, il n'est pas dans sa création, il n'est pas mélangé avec elle, et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, tu vas aller poser la question à certains docteurs, certains qui ont des grandes connaissances dans le fiqh, dans le hadith, dans l'aura, la langue arabe, et beaucoup d'autres sciences, et puis tu vois qu'ils vont te dire « Allah fi kulli makan », hein? Allah est partout. Ou bien ils vont te dire laysa lahu makan, il n'a pas d'endroit, il n'a pas de place, il est nulle part. Il y a des contradictions même entre eux comme ça. Ils ne savent pas s'il est partout ou s'il est nulle part. Et en réalité c'est la même chose, les deux, ça revient au même. Si tu dis qu'il est partout, ça veut dire qu'il est tout, ça veut dire qu'il est rien non plus aussi, puisqu'il n'a pas d'existence qui lui est propre, puisqu'il est, sa création. Et c'est ce que les soufis croient lorsqu'ils disent qu'ils croient en wahdatul wujud, l'unicité de l'existence. Tout ce qui existe n'est qu'une seule existence et c'est Allah. Et la même chose chez les bouddhistes, hein, disent que le monde entier forme une seule existence et le but de l'homme c'est de se séparer de lui-même pour devenir un avec l'esprit universel, d'atteindre le nirvana. Hein? Eh bien, les soufis, ils ont cette notion-là. Hein? Al-fana. Al-fana, c'est un peu la même notion que qu'est-ce qu'ils appellent, eux, le nirvana. Ou bien l'ittihad ou al-hulul. L'ittihad, le fait de s'unifier avec Dieu. Al-hulul, le fait de fusionner avec Dieu. Ça, c'est toutes des notions qui ont été empruntées par ces soufis. Et ils l'ont emprunté aux bouddhistes, aux hindous et à ces autres religions de mushrikine, et essayer d'interpréter l'islam yani, par ces philosophies étrangères qui sont remplies de shirk et de kufr. Allah al-musta'an. Donc le shaykh il explique, il dit وَقَوْلُهُ وَقَالَ قَالَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. هذه الآية تبين العبادة التي خلق لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه وهو الشرك في العبادة، فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فلا تصح بدونه أصلا، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit adorer Allah et n'associer rien avec lui, verset 36 dans sourate An-Nisa, il dit que ce verset il explique l'adoration pour laquelle ils ont été créés aussi, et il explique que l'ordre de l'adoration, hein, qui a été ordonné ici a été rattaché à l'interdiction de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, le shirk qui leur a été interdit de faire, parce que le shirk dans, lorsque yani le shirk dans l'adoration, lorsqu'il y a du shirk dans l'adoration, eh bien ça détruit l'adoration elle-même. Et ça, c'est la preuve que de se séparer du shirk, c'est une condition même pour la validité de l'adoration, et que l'adoration ne sera pas acceptée sans, hein, sans qu'on se soit complètement séparé du shirk à la base. Et la preuve de ça, dans le verset par exemple 88 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et s'ils auraient fait le shirk, nous aurions effacé ou rendu nul et vaine tout ce qu'ils ont pratiqué, tout ce qu'ils ont fait comme action. Et le verset 65 et 66 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous t'avons révélé à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi, que si tu fais le shirk, nous allons rendre tes œuvres, nous aurions rendu toutes tes œuvres vaines, et tu aurais été du nombre des perdants. Certes, Allah adore le, certes, mais plutôt adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Oui, c'est ça. Et le cheikh, il explique ça. Il dit: هذه الآية تسمى آية الحقوق. Ça, c'est un des versets qui a été mentionné parmi les preuves par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce premier chapitre, le verset 36, dans Surat An-Nisa. Et il fait partie du verset des 10 droits. Des 10 droits. Et le verset numéro 1, le premier verset dans l'énumération de ces droits-là, c'est le verset qui parle de l'adoration d'Allah seul et du rejet du shirk. وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Ça, c'est la signification même de la ilaha illallah. وَهَدَ مَعْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَوْلُهُ وَعْبُدُوا وَعْبُدُوا اللَّهُ وَمَعْنَا الْإِثْبَاتِ لا إلا الله ولا تشركوا به شيئا هذا بمعنى النفي إلا الله ففي معنى لا إله إلا الله التي ففيها معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص. Donc dans ce verset, il y a la même parole, la même signification que le témoignage de la foi, c'est-à-dire adorer Allah et n'associer rien avec lui. Adorer Allah, c'est la signification de l'affirmation إلا الله, et n'associer rien avec lui, c'est la signification de la négation illallah. Et donc c'est la même signification que la parole du témoignage de la foi. Après, le cheikh, il explique, il dit: fala takfi al-ibada faqat balla budda min ijtinab ash-shirk li'anna al-mushrikeen kanu ya'budun Allah wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yakhdimun al-bayt al-atiq wa yakhdimun al-hujjaj wa yukrimun al-dayf wa yukrimun al-jar wa 'indahum anwa' min al-ibadat wal-qurubat lakinnaha lam tanfa'hum bi sabab ash-shirk fash-shirk yubtil jami' al-ibadat. Donc le cheikh, il dit: l'adoration à elle seule n'est pas suffisante, il faut absolument s'écarter du shirk. Pourquoi? Parce que les idolâtres, les mushrikines, ceux qui pratiquent le shirk, ils adoraient Allah. Ils adoraient eux aussi Allah. Hein? Il ne faut pas penser que les idolâtres, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient que les idoles. Ce n'est pas vrai. Ils adoraient aussi Allah subhanahu wa ta'ala, et ils faisaient le hajj. Hein? Quraysh faisait le hajj, et les tribus arabes, ils faisaient le hajj. Hein? Et le hajj, c'était un des restants de la religion d'Abraham, donc ils pratiquaient cet aspect-là de la religion d'Abraham, sauf qu'ils y ont rajouté du shirk. Hein? C'est ça la différence. Mais ils adoraient quand même Allah, ils faisaient le hajj, ils donnaient de la sadaqa aux pauvres, ils aidaient les pauvres, ils servaient la maison, c'est-à-dire la Kaaba, hein? Ils servaient les hujjaj, quand les gens venaient de l'extérieur, il les aidait, il leur donnait des services, et il faisait une preuve de générosité envers les invités et envers leurs voisins, il les honorait, et ainsi de suite. Il faisait toutes sortes de différentes formes d'adoration et de façon de différents actes pour se rapprocher d'Allah, mais tous ces actes-là leur étaient inutiles à cause du shirk qu'ils avaient commis. Hein? Donc le shirk détruit toutes les œuvres. Toutes ces connaissances-là qu'on est en train d'acquérir, toutes ces choses-là qu'on est en train d'apprendre à propos du tawhid, c'est des choses qui sont établies dans un but qui est important, c'est de bâtir en notre esprit la compréhension du tawhid par rapport au contexte de l'idolâtrie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de faire un lien entre cette, ce contexte-là et le contexte actuel dans lequel on vit, dans la réalité des musulmans et des égarements qu'ils ont dans plusieurs pays musulmans aujourd'hui. Donc, le fait de comprendre tout ça, ça permet à un musulman d'être capable justement de réfuter les arguments de ceux qui essaient de justifier ces différentes formes de shirk à notre époque. Donc, ce n'est pas des connaissances que vous écoutez, que vous apprenez, vous entendez comme ça, puis après, ça doit s'envoler dans l'air. Il faut les apprendre, les comprendre et les appliquer et appeler les autres, hein, appeler les musulmans qui ont des erreurs de compréhension dans ce sujet-là, leur expliquer à eux aussi ces choses-là. Hein, parce qu'ils vont vous demander des preuves, ils vont vous demander des arguments pour essayer de, hein, yani essayer de comprendre ou bien essayer d'opposer la parole que vous êtes en train de leur expliquer si vous leur interdisez le shirk. Le shirk qu'ils sont en train de pratiquer, eh bien, il faut être capable de comprendre pour être capable de l'expliquer à notre tour aussi. Et si on ne l'a pas compris nous-mêmes, comment on peut l'expliquer aux autres? C'est pas possible. D'accord? Donc, il ne faut pas que ce soit une écoute passive et yani juste entendre pour entendre. Il faut que ce soit une écoute qui est remplie d'attention et de compréhension pour être capable par la suite de répéter ces paroles-là de la même façon et de les expliquer aux autres aussi. Hein? Ça, c'est très, très important. Et le cheikh, il dit donc que par la suite, il dit wa illa fa innaha la tasihhu فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله بل لا بد أن يترك عبادة ما سواه كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله لا ينفع مع وجود الكفر بالطاغوت وهذا أمر يجب التنبه له فالإنسان قد يصوم ويصلي ويحج ويصل الرحم ويبر بالوالدين وهو مشرك فتحبط جميع أعماله وتكون يوم القيامة هباء منثورا. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Le cheikh, il dit que l'adoration de la personne qui fait des actes d'adoration mais qui ne s'est pas écarté du shirk, eh bien son adoration n'est pas valable. Hein? Il n'est pas suffisant pour quelqu'un d'adorer Allah, mais il faut qu'il abandonne l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui, de la même manière que Allah le dit dans le verset 256 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Donc c'est-à-dire que Allah, avant même de mentionner la foi, il mentionne le fait de renier le tagut et de rejeter le tagut. Donc si quelqu'un n'a pas rejeté le tagut, c'est-à-dire qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien il ne peut pas prétendre croire en Allah. Même s'il adore Allah, hein, même s'il affirme son existence, s'il continue à adorer le tagut et il dit je crois en Allah, ça c'est une contradiction. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas vraiment cru en Allah sérieusement. Et le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a donné précédence au rejet et au reniement du tagut avant même d'avoir mentionné la foi en Allah, parce que la foi en Allah ne peut être profitable avec le fait d'adorer le tagut. Si quelqu'un n'a pas rejeté ou renié le tagut, sa foi en Allah sera nulle. Et ça, c'est une chose, c'est très important. Il faut vraiment donner à ça une grande importance, parce que quelqu'un peut faire le jeûne du Ramadan, faire la salat 5 fois par jour, faire le hajj une fois dans sa vie, garder les liens de parenté avec ses proches, être bon envers ses pères et mères, avoir un bon comportement avec eux, et malgré tout être un mouchrik. Malgré tout être un mouchrik, et donc toutes ces œuvres seraient vaines, n'auraient aucune valeur, et il arriverait au jour de la résurrection, et on lui montrerait des montagnes de hasanat, et Allah subhanahu wa ta'ala les fait devenir de la poussière. Et il fait le vent souffler sur cette poussière et après il ne reste plus rien. Il n'y a plus de hasanat. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire pourquoi. Hein, s'il demande pourquoi mes œuvres que j'ai faites, toutes ces montagnes de hasanat, pourquoi elles sont toutes disparues? Elles sont disparues et sont devenues de la poussière parce que tu as fait du shirk. parce que le shirk que tu as commis est venu annuler toutes les choses que tu as pratiquées comme bien. Et donc, le Cheikh, il explique ensuite des exemples de ça dans le verset que le Cheikh, il a mentionné, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, quand il a cité les versets en question, et Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ces versets-là. Il dit, « وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الْأَنْبِيَا فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ » Parce qu'on a lu le verset, juste le verset à la fin, le Cheikh, il cite juste le passage qui est à la fin du verset, qui dit, « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » C'est-à-dire, s'ils avaient fait du shirk, on aurait rendu vain tout ce qu'ils ont fait. Eh bien, le verset qui avance, le verset qui est devant, c'est l'énumération des différents messagers que Allah a envoyés à l'humanité. Et regardez qu'est-ce que Allah il dit dans ce verset-là. Il dit wa Nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi Daoud wa Sulayman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم كذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده يا بخير دي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أي ولو أشركوا أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهم أنبياء وهذا من باب الفرض وإلا فمعلوم أن الأنبياء لا يشركون وحاشاهم ولكن لو أشرك الأنبياء على شرفهم وشرف مقامهم لحبطت أعمالهم كذلك يعني فكيف بغيرهم فالشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام كما يقوله بعض المغرورين بل إن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والتقرب إليهم مثل عبادة الأصنام لا فرق بين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهذه القبور التي تعبد من دون الله عز وجل فالشرك هو عبادة غير الله سواء كان من الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو القبور أو الأنبياء أو الأولياء والصالحين فكله شرك بالله عز وجل. Donc le Cheikh, et on va terminer avec ce verset et avec ce passage, le Cheikh il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les prophètes dans sourate Al-An'am, c'est les versets qu'on a cités, hein, dans le verset 88, dans sourate Al-An'am, et les versets avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il énumère la liste des prophètes. Il dit, et nous avons guidé Noé, hein, Nuh, auparavant, et de ses descendants, de sa progéniture, il y a eu Daoud et Suleyman. Et Daoud, c'est David, Suleyman, c'est Salomon, Ayyub, c'est Job, Yosef, c'est Joseph, Moussa, c'est Moïse, Haroun, c'est Aaron, ça c'est leur nom en français. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ C'est ainsi que nous guidons les bienfaisants, ainsi que Zacharia, c'est Zacharie, وَيَحْيَا, c'est Jean, Jean le Baptiste, وَعِيسَا, c'est Jésus, وَإِلْيَاس, c'est Élie. كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ Ils sont tous parmi les gens de bien, parmi les vertueux. Et Ismaïl, c'est Ismaël, وَالْيَسَعْ وَيُونُسْ, c'est Jonas, وَالْوْطَ, c'est Lot. Et il dit, nous les avons tous préférés par-dessus tous les hommes dans le monde. Sur tous les mondes. Il dit, ainsi que leurs parents et leurs progéniteurs et leurs frères, nous les avons rapprochés et les avons guidés à un droit chemin. Hein? Et c'est ainsi que la guidance d'Allah, il guide vers celle-ci qui il veut de ses serviteurs. Et s'ils auraient fait du shirk, nous aurions rendu vaines toutes leurs œuvres, tout ce qu'ils ont fait comme action. C'est-à-dire que si ces prophètes auraient fait du shirk, tout ce qu'ils auraient fait comme bonne action aurait été rendu vain. Hein? Donc, le Cheikh, il dit, que dire? Alors, ce sont des prophètes. Hein? Et Allah dit ça à leur sujet. Donc, ça c'est juste comme un exemple que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Parce qu'on sait très bien que les messagers ne font pas de shirk. Hein? Ils ne peuvent pas associer avec Allah. Hein? Mais s'ils auraient fait du shirk avec leur statut et leur noblesse, malgré ça, Allah aurait rendu leurs œuvres vaines. Donc c'est pour dire, que dire des autres? Que dire des autres qui ne sont pas des prophètes? S'ils font du shirk, c'est encore pire. Et le shaykh, il dit, et le shirk, ce n'est pas quelque chose qui se limite à l'adoration d'idoles. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si tu n'adores pas une idole, ce n'est pas du shirk. Le shirk, c'est seulement pour adorer une statue. Hein? Une statue. Donc, si celui qui se prosterne devant une statue, ça c'est du shirk. Mais si tu te prosternes devant la tombe d'un homme pieux, ou devant la tombe d'un saint, ou tu pries à un prophète, ça c'est pas du shirk parce que ça c'est pas une statue. Ou c'est pas une idole. Non. C'est pas vrai. Tout ce que tu adores en dehors d'Allah, c'est du shirk. Et le shaykh, il explique, il dit, donc, il y a beaucoup de gens qui ont été trompés à croire, et en particulier les gens qui adorent les tombes, hein, et qui cherchent le refuge et l'aide et le secours des morts, et qui adorent les morts en leur faisant des sacrifices ou en cherchant à se rapprocher d'eux, ils disent, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la même chose que les idolâtres. Parce que nous, on ne prie pas à des statues. Hein? Et le cheikh, il dit, il n'y a pas de différence entre les mouchriquines de la Mecque qui priaient à des idoles comme Al-Lat et Al-Uzza et Al-Manat, et ceux qui, aujourd'hui, se disent musulmans et qui adorent des tombes, hein, et des morts en dehors d'Allah. Donc, il dit, le cheikh, que le shirk, c'est d'adorer autre que Allah. Peu importe que ce soit des idoles, ou que ce soit des pierres, ou que ce soit des arbres, ou que ce soit des tombes, ou que ce soit des prophètes, ou que ce soit des hommes pieux ou des saints, peu importe. Tout ça, c'est du shirk, sans exception. Naam. Et il dit, bon, il y a un autre passage, mais si vous voulez, on va le laisser pour demain. C'est l'explication du verset suivant. On va lire ça, puis après on va s'arrêter à ça, Inch'Allah. Ah oui. Ben, c'est pas ça, moi je pense à vous aussi. Mais on est arrivé à la fin du cours, ça c'est certain. On va seulement expliquer l'autre verset qu'on avait lu, le verset 65-66, dans Surat Az-Zumar, puis on va s'arrêter. Le paragraphe, il n'est pas long, donc ça va prendre quelques instants, Inch'Allah. Le Cheikh dit, وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ أي أوحى الله إليك وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء لئن أشركت أي دعوت غير الله عز وجل ليحبطن عملك يعني يبطل ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فإذا كان هذا موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو أشرك وحاشاه أن يشرك صلى الله عليه وسلم فإنه يبطل عمله جميع عمله ويكون من الخاسرين فكيف بغيره من الناس وهذا من باب التحذير من باب تحذير هذه الأمة من الوقوع في الشرك فهذه الآية لا تستثني أحدا فكل من أشرك بالله عز وجل شركا أكبر فعمله باطل مهما كلف نفسه به وليس هذا خاصا بأهل الجاهلية بل هو عام لكل من أشرك بالله إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. Donc le cheikh il dit, ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous t'avons révélé à toi, hein, c'est-à-dire Allah a révélé à toi au Muhammad alayhi salatu wassalam, et il a révélé à ceux qui sont venus avant toi parmi les prophètes, que si tu fais du shirk, si tu invoques d'autres que Allah, ou tu adores autre que Allah, hein, et yani, il dit, on va rendre ton œuvre vaine. Toutes tes actions vont être nulles. Et tu seras du nombre des perdants. Mais plutôt, c'est Allah seul que tu dois adorer, et sois du nombre des reconnaissants. Et donc, il dit, le shirk, que ça, c'est une parole que Allah adresse au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit que si tu fais le shirk, et que le prophète soit purifié d'avoir d'avoir une telle action, de faire du shirk, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait très bien qu'il ne fait pas de shirk, mais c'est juste comme un exemple que si tu faisais le shirk, hein, ou tu pratiquais du shirk, eh bien toute ton œuvre serait vaine et tu aurais été du nombre des perdants. Alors si c'était le cas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de celui, hein, de quelqu'un d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein? Ça c'est un avertissement pour la Ummah de ne pas tomber dans le shirk. Et dans ce verset, il n'y a personne qui est exclu, il n'y a personne qui est exempté, hein? Et tous ceux qui pratiquent du shirk majeur, hein, et qui font un shirk majeur, alors son œuvre est vaine. Peu importe, hein, les œuvres qu'il s'est imposé à lui-même de faire. Et ça, c'est pas spécifique aux gens de la Jahiliya et aux mushrikines de l'époque pré-islamique. Non. Ça, c'est quelque chose de général. Et ça concerne toute personne qui pratique du shirk avec Allah et qui associe avec Allah quelque chose jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose comme certains aujourd'hui qui disent non, aujourd'hui il n'y a plus de kuffar, il n'y a plus de mushrikin. Les kuffar et les mushrikin, c'est uniquement ceux qui vivaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, il y en a, ça n'existe plus. Il y a des gens qui ont dit ça à notre époque. Dernièrement, il y a un frère qui m'a dit, il y a des gens qui ont dit ça en France. Hein? Des imams ou des gens qui sont responsables des mosquées ou des musulmans, il y en a un d'entre eux qui a dit, si vous voyez mushrikin et kuffar dans le Coran, ça parle des gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a plus aujourd'hui. Ajaban. Hein? Le Coran, il a été révélé pour être valable jusqu'à la fin des temps. Mais étant donné que ces gens-là, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le kufr, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le shirk, ils pensent que c'est quelque chose qui est restreint et limité à une période dans l'histoire. Hein? On sait très bien que ça, c'est pas le cas. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mentionné les règles, les principes, pour qu'on puisse reconnaître toute personne et toute chose qui yani rentre dans ces règles et dans ces principes-là, pour lui appliquer ces règles et ces principes-là. Hein, les hommes de science, ils savent reconnaître, hein, les règles, les principes qui s'appliquent à telle action ou à telle personne et appliquer le verdict sur la personne en question. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas donné le nom des hypocrites. Il ne nous a pas donné le nom des mushrikines un par un dans le Coran. Il ne nous a pas dit un tel est mushrik, un tel est mushrik, un tel est mushrik, un tel est kafir, un tel est kafir, un tel est munafiq, un tel est munafiq. Vous imaginez un livre dans lequel il y aurait le nom de tous les munafiqines du début jusqu'à la fin des temps? Ça prendrait des volumes. Mais il n'a pas donné des noms, il a donné des descriptions, des caractéristiques qu'on soit capable de les reconnaître, peu importe l'époque, peu importe le lieu. Et donc c'est là-dessus qu'on doit se baser. Mais de dire que c'était juste ceux qui vivaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que ça n'existe plus aujourd'hui, celui qui dit ça, il ne comprend rien à la religion. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il dit ça pour faire plaisir aux kuffars. Ils disent des choses comme ça parce que y a des kuffars, ils n'aiment pas qu'on dise le terme kafir ou kuffar ou mushrik ou mushrikin. Ils n'aiment pas ça, yani, parce que c'est comme si eux, ils voient ça comme une insulte, comme si on était en train de les traiter de nom. Mais la réalité, c'est que c'est juste pour décrire leur état. Hein? Bien entendu, si tu t'adresses à un kafir ou à un mushrik, tu ne vas pas lui dire hey, « Hé, toi le kafir, viens ici. Hein? » Ou « Hé, toi le mushrik, viens ici. » Non. Tu vas lui parler normal. Tu vas lui dire « Je m'excuse, je voudrais te parler. » Tu lui parles normalement et poliment pour l'appeler à l'islam. Mais lorsqu'on explique l'islam aux musulmans et qu'on leur clarifie les règles de la religion, on leur dit « Il y a des kuffars, il y a des mushrikines. Hein? » Et c'est des gens qui adorent autre que Allah. Et tu donnes les exemples. C'est comme ça. Donc, il y a des gens comme ça, des fois, ils exagèrent. Mais « Nasallallahu al-afiyah ». On espère que ça a été bénéfique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la dernière présentation, c'est notre dernier cours aujourd'hui pendant ce voyage à Mecca. Donc, on espère que ça a été bénéfique. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce modeste effort de notre part pour essayer de faire une lecture des paroles de nos ulama pour essayer d'agrandir et d'augmenter notre compréhension et notre connaissance de sa religion. Et donc, on espère qu'on va en ressortir avec quelque chose qui a été vraiment bénéfique pour nous dans notre compréhension et dans notre pratique. Et Inch'Allah, que ce soit une ouverture pour qu'est-ce qui suit dans notre vie, Inch'Allah, qu'on soit guidé par cette lumière qu'Allah nous a révélée. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.